tous les gamins sont sur le chemin. Le peintre vient lundi prochain. Chacun a son parfum. J'ai faim tous les matins.